larmes de crocodile se moquent des non-dits, délicates, immobiles sur tes lèvres amies. Sincèrement futile, ta beauté alanguie se révèle inutile quand se coule la pluie. C'est mon air imbécile, ton regard indécis qui prolonge la nuit de ce baiser facile. Larmes de crocodile se moquent des non-dits, délicates, immobiles